tous les matins. Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse ? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Bonjour tout le monde, bon réveil, il est 6h29, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. On est parti pour le best-of de Mickaël à la radio, Lob au mic, pour vous servir et vous accompagner jusqu'à 9h30 avec les meilleurs moments de Mickaël à la radio en ce 1er novembre aujourd'hui. Donc voilà. Au niveau du son dance floor, dans quelques minutes, on s'écoutera Alicia Keys et Nicki Minaj, ce sera Girls on Fire. Donc vous avez découvert sur Fun Radio et on aura aussi Matthew Stone avec Positif sur Fun Radio. Et pour le coup, il est 6h30, on va se faire les infos avec Julie. Salut Julie! Avec le micro, c'est plus facile. Salut Love, bonjour à tous. Mirka Rednik, le nouvel entraîneur du Standard, tient sa première victoire. Les Rouges ont battu Genk 2-0 hier soir. Dans le reste de la 13e journée de championnat, Anderlecht a infligé un 5-0 à la Gantoise. Charleroi s'est incliné 4-1 face à Zulte Waregem. Le Cercle de Bruges a battu 3-1 le Beerschot. Même score pour Louvain face à Malines. Lokeren a battu Westland Beveren 2-0. Mons s'est imposé 1-0 face à Courtrai. Et enfin, le FC Bruges s'est incliné au Lyrs 3-2. La Belgique évite de justesse la récession. Pas de croissance, mais pas non plus de recul. L'activité économique s'est stabilisée au troisième trimestre par rapport au précédent, selon une estimation de l'Institut des comptes nationaux. La Belgique reste dans le bon peloton européen. Techniquement, une récession se définit par deux trimestres consécutifs de recul du PIB. La FGTB Centre appelle à une grève générale le 14 novembre prochain. Une journée d'action de 24 heures sera menée dans toute l'Europe pour protester contre l'austérité. Des actions sont d'ores et déjà prévues en Espagne, en Grèce, au Portugal, vous voilà prévenus. À l'étranger, en Égypte, la police a saisi des dizaines d'engins explosifs et arrêté plusieurs personnes suspectées de préparer des attentats dans le pays. 83 bombes auraient été découvertes dans une voiture sur une autoroute près du Caire et une douzaine de suspects ont été arrêtés. Un manuel de fabrication d'engins explosifs et des roulements à billes qui peuvent servir de grenailles pour augmenter les dégâts ont également été trouvés dans un appartement du Caire. Et puis en Syrie, les rebelles sont en difficulté. Depuis quelques jours, l'armée syrienne a intensifié ses bombardements sur Alep, détenu en partie par les rebelles. Selon le journal Le Soir, un témoin belge sur place dit se trouver dans un champ de ruines et confirme qu'il s'agit d'une situation quasiment intenable pour l'armée syrienne libre. Dans quelques minutes, Alicia Keys et Nicki Minaj, Matthew Stone ou encore Khaled pour le son Dance Floor. On réécoutera aussi les meilleurs moments de Julien Derien, de la ligne anti-relou et de la question existentielle. Mais passons d'abord à la météo. Alors Julie, quel temps pour aujourd'hui ? Eh bien, changement de programme. Exit le soleil, place un vrai temps d'automne avec ciel couvert et si lobe et de la pluie en plus. Et pourquoi pas même un coup de tonnerre. Ouais, même possible sous les fortes averses. Alors côté maxima, c'est quand même la bonne nouvelle. Je trouve qu'il fait assez doux, entre 6 et 10 degrés, ça va encore. Par contre, pas mieux pour demain avec toujours des précipitations se renforçant à nouveau à partir de l'ouest en cours d'après-midi à l'arrivée d'une zone de pluie très active. Voilà pour les infos, je vous retrouve dans une demi-heure. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse ? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. L'info du jour, comme tous les jours à la même heure dans la tribu, c'est avec le même journaliste qui, comme tous les jours, nous parle de l'actualité à sa manière. Je parle de notre reporter Julien Derien. Bonjour, Julien. Ouais, salut tout le monde. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? La petite voix de Julien, je vous avais entendu comme ça. Qu'est-ce qui vous arrive ? Je suis en deuil. Oh merde, vous avez perdu quelqu'un de proche ? Oui, Sylvia Christel, l'actrice qui jouait Emmanuel. Ah oui, les films chauds, érotiques, porno, quoi. Hein ? Ouais, elle vient de casser sa pipe. Et vous la connaissiez ? Oui, bah j'ai passé pas mal de moments intimes avec elle. Ah, ouais, bah on s'en doute un petit peu, finalement. Hein. Mais ça, c'était du film érotique. Et pas comme les films pourris que certaines chaînes nous servaient avec tout le temps les mêmes actrices et les scénarios bidons. Ouais, les scénarios, c'était le plus important, à votre avis ? Hein ? Bah oui, parce que dans Emmanuel, justement, on pouvait regarder le film, se branler. regarder le film, se branler, regarder le film et même se branler deux fois de suite dans certaines scènes. Alors que les films là, de certaines chaînes, on peut que se branler. Le reste du temps, on se fait chier, alors on zappe sur YouPorn. Bon, en tout cas, c'est quand même un très vieux film, Emmanuel, non? Oui, c'est un film de 94 réalisé par le français Just Jenkins sur le scénario de Jean-Louis Richard d'après le roman éponyme d'Emmanuel Arsan. Trop calé. Ouais. Bah, tout ça, quoi. Hein. Ouais. Et vous savez ce qui est drôle dans cette histoire? Non. C'est le nom de l'acteur qui joue le rôle d'un professeur d'érotisme dans le film. Comment il s'appelle? Alain Cuny. Hey, c'est sûr que c'est original, hein. Oui. Alors, Evan, je propose de lui rendre hommage, si ça vous dérange pas. Oui, bien sûr. Allez-y, Julien, faites. Oh, putain, mais, hein. Julien, vous faites quoi là? Oui. Bah, je rends hommage, je me branle. Il est dégueulasse. Julien, non, stop, pas ça. Oh, merci, Julien. De rien. Julien De Rien, reporter sans frontières. Fun Radio. La tranquillité n'a pas de prix, mais retenez son numéro 0473 86 0013. Le seul numéro qui vous débarrasse de tous les relous. La ligne anti-relou, les meilleurs messages laissés sur le 0473 86 0013. Et puis bon, on va écouter maintenant le premier message. Oui, ma chère Suzanne-Marie, écoute, on devait se voir et tout, et on devait passionnément se mélanger, et je vais te faire l'amour passionnément et te faire goûter un peu les sextoys et tout. C'est un gros bisou. Oh, la grande classe, lui, hein. Mais c'est quoi ce truc? On devait se mélanger. Oui, bah, moi, j'aime bien. Mélanger concept. Passionnément. Mignon. Oui, bah, passionnément surtout, hein. Tu vois, c'est pas mélanger dégueulasse, c'est mélanger passionnément. Bon, deuxième message. Salut Marie, ça va ou quoi? Ouais, bah, c'est le mec d'hier avec qui t'as parlé, je pouvais pas t'appeler plus tôt, mais là, c'est sur répondeur. Donc, bah, quant à mon message, envoie-moi un petit texto. Ok, ma puce. Et bon courage pour le taf, hein. Ouais. Bisous. C'est pas mal. Salut Audrey, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Tranquille. Et il termine par Salut ma puce. Ouais, c'est ça, il termine par Salut ma puce, c'est vrai. Ouais. Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Mickaël à la radio, le replay. En distanciel, maintenant on va appeler à En Gros, mais pourquoi faire? C'est pour Audrey qu'on appelle là-bas? Non, enfin, j'aurais. Ah, c'est facile. J'y avais pensé. En fait. J'avais essayé de trouver une question à base de gros drain, mais j'ai pas trouvé. Ah ouais, bah ouais. Mais je continue à réfléchir. Bon, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas, effectivement. Non, pour le moment, on va juste se demander si la poule qui passerait du coq à l'âne, elle aurait mal au cul. D'accord, ok, très bien. Oui. Bon, bah donc on va appeler alors. Hein. Bah, on va appeler En Gros, leur direction. C'est parti, direction En Gros maintenant. Non, ça fait rire cette ville. Pardon. Tu vas moins rire à 8h avec le débat. Allô? Oui, bonjour madame. Oui? Oui, voilà, en fait, je vous appelais, j'avais une petite question à vous poser. Mais vous êtes malade? Bah non, pourquoi vous dites ça? Ah oui, bah visiblement elle a dû partir très très vite. C'est pas grave, on rappelle En Gros maintenant, attention. Voilà, c'est reparti. Allô? Oui, bonjour monsieur. J'étais au téléphone avec votre femme, on a été coupé. Vas-y, déballe, connard. Comment? Pardon? Déballe, connard. Vous voulez que je déballe quoi, monsieur? Des conneries. Ah non, parce qu'en fait, moi je l'appelais juste pour vous poser une question. En fait, je me demandais, est-ce que vous pensez... Écoute-moi bien, connard. Si tu rappelles encore, je porte plainte. Oui. Bien compris? Mais ça répond pas à ma question, ça, monsieur. Pas de faire faute, connard. Mais après, il va répéter combien de fois? Je sais pas, il avait l'air énervé, hein. Bon, bah tant pis, on va plus l'appeler, hein, parce que... Ah non, c'est tout. Voilà. C'est dommage. Bah oui. Ah, vous êtes sympa aujourd'hui, hein. Non, oui, aujourd'hui on est gentil. Vous avez fait aujourd'hui on est gentil. Trop d'insultes, tu l'insultes. Exactement. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Le son de Neo sur Fun Radio, c'était Let Me Love You, 6h59. Vous écoutez toujours le best-of de Mickaël à la radio. Dans quelques secondes, on va se faire les infos de 7h avec Julie. Mais je vous rappelle que tous les matins, Mickaël paye vos factures à 7h10, 8h10 et 9h10. Donc pour ce faire, envoyez le code facture au 6322, suivi du montant et de l'objet de votre facture. Et si vous êtes tiré au sort, vous repartirez avec le remboursement intégral de votre facture. 7h du mat sur Fun Radio. Et l'actu, c'est avec Julie. Salut Julie. Salut Loeb, bonjour à tous. Mirka Rednik, le nouvel entraîneur du Standard, tient sa première victoire. Les Rouges ont battu Genk 2-0 hier soir. Dans le reste de la 13e journée de championnat, Anderlecht a infligé un 5-0 à la Gantoise. Et Charleroi s'est incliné 4-1 face à Zulte Waregem. Le Cercle de Bruges a battu 3-1 le Berscott. Même score pour Louvain face à Malines. Lokeren a battu Westland Beveren 2-0. Mons s'est imposé 1-0 face à Courtois.

mais tu la chantes pas très très très. On est d'accord, mais le cœur y est. Mais oui, mais enfin, ça fait pas tout le cœur y est. Hein. C'est bien, hein, mais bon. C'est quand même, et le mec, c'est quand même pas chanté du tout. Hein. C'est-à-dire que. Et le mec s'embrouille quand même, hein, tu vois. C'est-à-dire que. Mais c'est marrant, il avait l'accent de DJ Flash. Il avait le thème. C'est bien fait. En fait, si j'avais pas vu l'image, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, Flash? Qu'est-ce qu'il était fou, ta Belgium's Got Talent? C'est un truc de ouf. Voilà, bon, Belgium's Got Talent qui. Bah, c'est terminé, hein. Pour aujourd'hui. Mais rassurez-vous, Belgium's Got Talent revient la semaine prochaine. Ah, eh oui, on est content quand même, hein. Alors que des talents, on en a, nous. Je suis très cochon et vicieux. Voilà, tu vois, on en a, nous, des talents, hein. Quand, sans... C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Et maintenant, sur Fun Radio, Fun. Le ni oui ni non, ni vous verrez bien, avec Aline, la plus perdante de toutes. Bon, allez Simon, on va jouer Winnie Winnie Non, y vous verrez bien. Le principe est très simple. Tu vas donc devoir discuter avec Audrey pendant une minute. Avec Aline, pardon, excuse-moi, pendant une minute. Et le principe, évidemment, c'est de ne pas dire oui, de ne pas dire non, de ne pas dire je de nouveau, tiens. Pas de je. Ouais, alors, pas je de pas je. Parler de moi de nouveau. Voilà, Simon, t'as compris? Ouais, compris. Bon, tu fais tout pour lui faire dire ces trois mots, enfin un de ces trois mots. Et évidemment, tu fais le maximum pour ne pas les dire toi-même, bien entendu. Allez, c'est parti, une minute, bonne chance. Simon, c'est moi. Ça va? Bien. Et toi? Très bien. Que fais-tu? Simon. Faut répondre plus vite, Simon. Hein. On va partir à l'école. Ah. Tu aimes bien l'école? J'adore. Ah, mytho. Non. Comment t'appelles-tu? Aline. Allez, hein. Ok. Menteuse. Pas du tout. Pourquoi tu dis ça? C'est pas ton prénom. Tout à fait, c'est mon prénom. Tu joues bien, dis. Tu as beaucoup... On t'écoute. Dis-moi. On t'écoute tous les jours. Ah, c'est sympa. T'aimes bien l'émission? Non. Ma mère est fan. Et toi? Oh non, déjà. Perdu. Eh oui, perdu. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Bon bah Simon, malheureusement, bah c'est pas perdu, mais en tout cas tu gagnes pas puisque bah vous êtes neutralisé en une minute, c'est dommage Simon. En tout cas t'as bien joué, bravo à toi. Tu vas quand même rester là, on va te filer une compil fun. Yes. D'accord Simon? Merci. Bah je t'en prie Simon, passe une bonne journée hein. Bien. Allez, à bientôt Simon, ciao. Fun Radio. Le son dance floor. Mickaël à la radio. Le replay. 7h29 sur Fun Radio. Bonjour à vous. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez toujours le best-of de Mickaël à la radio. Dans la prochaine demi-heure, je vous passerai le son d'Owl City et Carly Rae Jepsen. Ce sera Good Time. Et le dernier titre d'Enrique Iglesias, ce sera Finally For You. Au niveau du best-of, je vous ai calé le vrai faux des stars, la ligne anti-relou ou encore la question existentielle. Mais là, il est 7h30 et c'est le moment de passer à l'actu avec Julie. Salut Julie. Salut Lop, bonjour à tous. Mercar Rednik, le nouvel entraîneur du Standard, tient sa première victoire. Les Rouges ont battu hier soir Genk 2-0. Dans le reste de la 13e journée de championnat, Anderlecht a infligé un 5-0 à la Gantoise. Charleroi s'est incliné 4-1 face à Zulte Waregem. Le Cercle de Bruges a battu 3-1 le Beerschot. Même score pour Louvain face à Malines. Lokeren a battu Westland Beveren 2-0. Mons s'est imposé 1-0 face à Courtrai. Et enfin, le FC Bruges s'est incliné au Lyrse 3-2. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui 1er novembre, quelques petits changements entrent en vigueur. Tout d'abord, un assouplissement des règles de congé en cas d'enfant malade. Les travailleurs dont un enfant mineur est hospitalisé, eh bien, ils pourront faire la demande d'un congé d'une semaine avec possibilité de prolongation d'une autre semaine via une forme d'interruption de carrière. L'employé sera également protégé

Ah ben j'essaye souvent. Eh ben tu vois comme quoi t'as été tiré au sort et t'as même gagné, tu vois un peu, ça a une grande classe quand même. C'est beau. Je suis bon. Super content. Avec plaisir. Eh ben bonne journée, passe une bonne journée Sébastien, à bientôt. Merci à vous aussi. Salut, salut. Allez, ciao. Chaque jour, des relous vous harcèlent sur votre GSM. Arrêtez ça. Donnez le numéro de la ligne anti-relou. 0473 86 0013. Et soyez enfin libérés. Yeah. On va se faire la ligne anti-relou. Les meilleurs messages laissés sur le 0473 86 0013. Allez hop, c'est parti. On écoute le premier. Ouais, Manon, je suis l'ami à Salomé. Je m'appelle Andy. Et c'est pour te dire que je te trouve super belle et tout et tout. Donc si tu veux qu'on se parle, envoie-moi un SMS ou rappelle-moi. Bye. Ah d'accord. C'est Tibi, il est encore sur MSN quoi. Ah d'accord. Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Ringard. J'avais pas entendu le tout derrière. Deuxième message. Ouais, Céline. C'est Roger. C'est pour dire que je t'ai trouvé très, très, très mignonne à. Hein? On se connaît, nous deux. Hein. Ouais. T'es bonne, hein. T'es bonne. Bah oui, quand tu dis t'es bonne, Aime Love, c'est jackpot, c'est direct. Complètement. T'arrives, tu la vois, tu dis, ah, oh, t'es bonne. Tu dis, ah, mon prince charmant. Oui, c'est ça, quoi. C'est ah, mon Roméo. Veux-tu m'épouser? C'est Mickaël à la radio. Le replay. Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Question existentielle, à base de quoi ce matin alors? À base de pantalons et de veste. De veste? Ouais, bah, en fait, non, je me suis demandé si, si on pourrait avoir de la lumière avec un pantalon et une veste. Mais pourquoi? Bah, grâce à la fermeture éclair. Ah oui, évidemment, bien sûr. Bon, alors appelons à la Louvière. Allons-y. On appelle à la Louvière maintenant, vérification si eux ont peut-être la réponse à cette question existentielle. C'est vrai que c'est très existentiel. Hein. Oui. Oui, bonjour madame. Ouais. Ah, bonjour monsieur, pardon. Voilà, je vous appelais, j'avais une petite question à vous poser. Ah, c'est aussi. Oui. Vous cassez les pieds, salut. Oh là. Ouais, c'est clair. Ah, sympa, gentil. Très gentil, ouais. On rappelle à la Louvière. Hein. Et donc, il est au taquet, lui. Hein. Au top du top. Allô. Oui, excusez-moi, mais vous avez raccroché, j'ai pas eu le temps de vous poser la question. Il n'y a pas de question à ce sujet, salut. Il faut plus téléphoner. Hein. Bon, si on nous invite si de manière si charmante à rappeler, on va rappeler. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Allô. Oui, allô, oui, je vous assure que j'ai une question à vous poser, hein, monsieur. Non, pas ce sujet. Mais si. Monsieur. Non. Bon, bah, il a dit pasteur-ci. Vraiment pas. Bon, bah, voilà. Déçu. Bah, tant pis, hein. C'est pas grave, on n'en saura pas plus, mais je pense que non, hein. Non. Je pense qu'il n'y a pas de lumière avec un pantalon à fermeture éclair. Peut-être, si on va vite. Ouais, ça fait des étincelles, mais. Oui. Mieux vaut pas laisser l'appareil au milieu, hein. On peut peut-être lui allumer le feu avec. Ouais, oui, on peut, peut-être, pas. Ouais. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Ah, et ça s'arrivait dès le matin, hein. C'était le son Pitbull avec Afrojack, c'était la reprise de Michael Jackson, Bed. Il est 8h sur Fun Radio, j'espère que vous passez une bonne matinée. Dans quelques instants, on va se faire le son d'Azaf and the Mojo, ce sera One Day. Il y aura aussi Will.i.am en featuring avec The Script. Mais là, il est 8h, on va se faire les infos dans quelques minutes avec Julie. 8h sur Fun Radio. Et l'actu, c'est avec Julie. Salut Julie. Salut Lob, bonjour à tous. Mercar Hendrik, le nouvel entraîneur du Standard, tient sa première victoire. Et oui, hier soir, les Rouges ont battu Genk 2-0 dans le reste de la 13e journée de championnat. Anderlecht a infligé un 5-0 à la Gantoise. Charleroi s'est incliné 4-1 face à Zulte Waregem. Le Cercle de Bruges a battu 3-1 le Berscott. Même score pour Louvain face à Malines. Lokeren a battu Waasland Beveren 2-0. Mons s'est imposé 1-0 face à Courtrai. Et enfin, le FC Bruges s'est incliné au Lyrs 3-2. Pardon. Aujourd'hui, 1er novembre, quelques changements entrent en vigueur. Tout d'abord, un assouplissement des règles de congé en cas d'enfant malade. Les travailleurs dont un enfant mineur est hospitalisé, eh bien, ils pourront faire la demande d'un congé d'une semaine avec possibilité de prolongation d'une autre semaine via une forme d'interruption de carrière. Et puis l'employé sera également protégé contre le licenciement. Aujourd'hui aussi, une loi pour mieux lutter contre la fraude fait son apparition, baptisée Unavia. Cette loi doit empêcher que le fisc et la justice traitent en parallèle le même dossier de fraude. On déciderait dès le départ qui travaille sur le dossier. Cette méthode devrait faire en sorte que le règlement des différentes affaires soit plus rapide. Et enfin, l'Union européenne imposera dès ce 1er novembre un label de qualité sur les pneus de voiture. Trois critères pour obtenir ce label: l'adhésion sur sol mouillé, la nuisance sonore et la résistance au roulement. Aujourd'hui, c'est 1er novembre donc, et c'est surtout le jour de la Toussaint. Traditionnellement, nous fleurissons les tons des défunts, mais cette tradition tend à se perdre selon les professionnels du secteur, et c'est une tendance qui se confirme depuis plusieurs années. Les ventes des fleuristes diminuent. 6 millions d'Américains sont encore dans le noir 48 heures après le passage de l'ouragan Sandy sur la ville de New York. Les aéroports reprennent doucement leur activité, même chose pour les transports en commun. Le bilan humain a grimpé à 63 morts pour les États-Unis, 135 au total en comptant les victimes dans les Caraïbes. En Haïti, le président a notamment déclaré l'état d'urgence national. Le lave-linge EcoBubble de Samsung donne à l'eau froide autant de puissance qu'à l'eau chaude. Maintenant, jusqu'à 200 euros de réduction sur une machine à laver EcoBubble. Conditions sur samsung.com. Dans quelques minutes sur Fun Radio, le son d'Azaf & The Mojos, de Script en featuring avec Will.i.am. Mais passons tout de suite à la météo. Julie, quel temps pour aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, un vrai temps de mois de novembre avec un ciel bien couvert, de la pluie qui va traverser le pays d'ouest en est. Cet après-midi, le temps sera plus dégagé mais avec toujours un risque de pluie. Allez, côté maxima, ça va encore de 6 à 10 degrés, il fait encore plus ou moins doux. Et par contre, pas mieux pour demain, toujours de la pluie. Voilà pour les infos, je vous retrouve dans une demi-heure pour le prochain Flash. Restez là, Mickaël à la radio revient juste après ça sur Fun Radio. Mickaël à la radio, le replay, c'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. Malgré le déploiement des forces de l'ordre, des hommes armés ont dressé des barricades dans plusieurs quartiers de Beyrouth. Si Beyrouth est fermé, les autres routes circulent bien. Guy Carlier, qui co-présentait On ne peut pas plaire à tout le monde avec Marc-Olivier Fogiel, serait détesté par son ex-femme. Exactement, et ce à cause de nombreuses infidélités, des révélations qui laissent Monsieur Carlier groggy devant. Le trafic des bus était perturbé en région liégeoise à la suite d'une action syndicale. Les bus roulent sans respecter les horaires, ce qui fait craindre des bouchons à Liège. Valérie Beigle, l'ex-Miss France, et Camille Lacour viennent de donner naissance à leur première fille. L'occasion pour l'ex-Miss France de revenir sur ses souffrances. Valérie Beigle n'arrive pas à parler correctement. Oui. Elle est contente. Et pour terminer, si vous aimez les jeux d'enfants et la prison, jouez à saute-maton. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse ? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio, le replay. Alors Julien, on va donc jouer au Free Code Game. Tu connais le principe ? Oui. Oui, bah, je vais quand même le rappeler hein, pour ceux qui connaissent pas. Le Free Code Game, évidemment, c'est ça. Le Free Code Game. Exactement. Et donc, le principe est simple. Je vais te poser, il y a 4 séries de questions. Tu vas en choisir une des 4. Petit paquet, grand paquet, durum ou mitraillette. Ça va du plus, des cadeaux, des questions les plus faciles aux questions les plus compliquées. Ça va des plus petits aux plus gros cadeaux. Comme petit paquet, c'est une compile fun. Grand paquet, ce sont des places de ciné. Durum, c'est pour un iPod. Et mitraillette, c'est pour une tablette. Qu'est-ce que tu choisis, Julien? Mitraillette. Mitraillette, ouais. Ah je suis gourmand, on y va alors. Mais tu as faim. Allez, 5 questions, tu fais 3 sur 5 minimum et c'est gagné, on y va. Que représente le disque rouge sur le drapeau japonais? Le soleil. Le soleil. Bonne réponse, effectivement. Oula, excuse-moi, je suis parti dans tous les sucettes. En sucette là. Question suivante, quel événement sépare l'histoire de la préhistoire? Oui. Tu ne sais pas. Eh bien, c'était bien essayé, mais c'est une mauvaise réponse. C'est l'écriture. Quand a eu lieu le débarquement en Normandie? En 44. Oui, mais quand? Ah oui. Eh oui. Malheureusement, c'est perdu. Le 6 juin 1944. Bah, tu l'as su, mais tu le sais de nouveau. Voilà. Qui était Minou Drouet? Minou Drouet? Oui. Oh, c'est mignon, ce Minou. Mais oui, c'est comme un chat. Une femme, je sais pas. Oui. Non, mais c'est comme moi en fait, un poète. Exactement, c'est un petit peu ce que je suis. Et enfin, dernière question, à 1000 ans près, en quelle année a été inventé le savon? En En 2005, je sais pas. En 2005. Et oui, les gens avant 2005 étaient des gros dégueulasses. Voilà. Et ben non, c'est perdu. C'était en 3000 avant Jésus-Christ. Ah bon? Eh oui. Ah, ça date. Eh oui, ça date, effectivement. Bon, ce qui fait. Merci, Aline, hein, de cette précision, parce que sans toi, on aurait pas percuté que ça datait. Ouais, c'est ça. Avec plaisir. On t'aurait pas percuté. Le savon a donc 5000 ans, effectivement, ça date. Et oui, ça date. Ouais. Bon, ben, Julien, malheureusement, c'est perdu. D'ailleurs, est-ce qu'il était déjà vivant à l'époque, ça date? Peut-être. Ah, non, c'était trop, ça. Ah, pardon. Ah oui, c'était trop. Bon, bah Julien, malheureusement, c'est perdu, mais tu retentes ta chance quand tu veux, d'accord? Oui, ça va. Allez, passe une bonne journée à l'écoute de Fun, à bientôt. Salut. Merci, au revoir. Salut, Julien. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Sexy and I know it. Le son d'LMFAO sur Fun Radio, c'était Sexy and I Know It. Bon réveil tout le monde, vous écoutez toujours le best-of de Mickaël à la radio. On est ensemble encore pour une petite heure et dans la prochaine demi-heure, je vous ai calé Kid Cudi avec Pursuit of Happiness, Kesha avec Dae Young et on s'écoutera le nouveau son de Psy en featuring avec Gros Dre. Hein. Ce sera le Gros Dre style. Mais là, il est 8h30 et on va se faire les infos. C'est avec Julie. Salut Julie. Salut Lob, bonjour à tous. À Liège, deux jeunes sont entre la vie et la mort, fauchés par un chauffeur ivre en plein centre-ville. L'accident a eu lieu vers 1h30 du matin, à deux pas du carré. Alors qu'ils traversaient un passage pour piétons, trois jeunes ont été percutés par une voiture de marque BMW. Le conducteur, âgé de 22 ans, était visiblement sous l'emprise de l'alcool. Il a commis un délit de fuite. Il a été identifié grâce à sa plaque d'immatriculation et a été arrêté chez lui peu de temps après. Une des victimes a dû être placée en état de mort cérébrale, une autre être toujours entre la vie et la mort. La troisième souffre d'une entorse. Rien n'indique encore à l'heure actuelle si le feu était vert ou rouge. L'enquête est en cours. Aujourd'hui, 1er novembre, jour de la Toussaint, mais pas seulement, c'est aussi le jour de l'entrée en vigueur de quelques nouvelles règles. Tout d'abord, les travailleurs dont un enfant est hospitalisé pourront dorénavant faire la demande d'un congé d'une semaine avec possibilité de prolongation d'une autre semaine via une forme d'interruption de carrière. L'employé sera également protégé contre le licenciement. Et puis, une loi pour mieux lutter contre la fraude fait son apparition, baptisée UNAVIA. Cette loi doit empêcher que le fisc et la justice traitent en parallèle le même dossier de fraude. Cette méthode devrait faire en sorte que le règlement des différentes affaires soit plus rapide. Et enfin, l'Union européenne imposera dès ce 1er novembre un label de qualité sur les pneus de voiture. Trois critères pour obtenir ce label: l'adhésion sur sol mouillé, la nuisance sonore et la résistance au roulement. 6 millions d'Américains sont encore dans le noir 48 heures après le passage de l'ouragan Sandy sur la ville de New York. Les aéroports reprennent doucement leur activité, même chose pour les transports en commun. Le bilan humain a grimpé à 63 morts pour les États-Unis, 135 au total en comptant les victimes dans les Caraïbes. En Haïti, le président a notamment déclaré l'état d'urgence national. Et enfin, en sport, Mirka Rendić, le nouvel entraîneur du Standard, tient sa première victoire. Et oui, les Rouges ont battu hier soir Genk 2-0. Pour le reste de la 13e journée de championnat, Anderlecht a infligé un 5-0 à la Gantoise. Charleroi s'est incliné 4-1 face à Zulte Waregem. Le Cercle de Bruges a battu 3-1 le Berscott. Même score pour Louvain face à Malines. Lokeren a battu Westland Beveren 2-0. Mons s'est imposé 1-0 face à Courtrai. Et enfin, le FC Bruges s'est incliné au Lyrse 3-2. Dans moins d'une minute, le son de Kid Cudi, ce sera Pursuit of Happiness. On s'écoutera aussi Kesha avec Dae Young. Et dans moins d'un quart d'heure, vous retrouverez la ligne anti-relou. Mais tout de suite, passons à la météo avec Julie. Eh bien, une météo de mois de novembre, un ciel bien couvert, puis une zone de pluie qui va traverser le pays d'ouest en est. Cet après-midi, le temps sera un petit peu plus dégagé, mais toujours avec un risque de pluie. Les maxima seront compris entre 6 et 10 degrés. Demain, eh bien, demain, pas mieux. Toujours de la pluie. Restez là, Mickaël à la radio revient juste après ça sur Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Et puis je vous parlais de la nouveauté Fun Radio là à découvrir que sur Fun Radio évidemment. C'est le nouveau son de Psy. Écoutez ça. Ah. Alors ça ressemble à l'autre, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est mais c'est pas le même. Oh pas gros de style. Gros de style. Je m'appelais Audrey quand j'ai fait le concours Miss Belgique. Mais depuis que je me boive, j'ai jamais retrouvé ma plastique. Hamburger et pizza, moi j'aime s'il est gras et calorique. D'ailleurs, maintenant, je vais me faire un quick. Je m'appelle trop frais. Et quand j'arrive dans une friterie, je me fais acclamer par les patrons qui, grâce à moi, gagneront bien leur journée. Et même si dans ma mini, je n'arrive plus à rentrer, j'arrête pas de bouffer. Dans les restaurants à volonté, on ne me laisse jamais entrer. Par à Paris, je prends 3 kilos, je bouffe au McDo. Et les gâteaux, c'est comme les rébus, j'en consomme beaucoup trop, trop, trop, trop. Opa, gros freestyle. Gros freestyle. Oh non. Opa, gros freestyle. Gros freestyle. Opa, gros freestyle. Rébus pour André. Opa, gros freestyle. Red Bull pour gros vrai. Et voilà le nouveau son, donc nouveau son Fun Radio. Nouveau son de ça y est, gros Dre à l'instant, c'était le gros Dre style. Mon dieu. Bon, si vous voulez qu'on vous la remette, on vous la remettra tout à l'heure avant la fin de l'émission, suffit de demander, il n'y a pas de problème. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi ? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Vous en avez marre des relous. C'est plus fort que vous, vous ne les supportez plus. Alors envoyez tous les relous que vous croisez sur la ligne anti-relou au 0473-86-0013. C'est la ligne anti-relou sur Fun Radio. Fun Radio. Direction la ligne anti-relou, les meilleurs messages laissés sur le 0473-86-0013. Tu ne réponds jamais, mon amour. Et alors, bon, j'ai un bisou, toi. Bisous. Mais tu ne réponds jamais, mon amour. Mais voilà, oui, c'est le genre de conversation que Toff a avec Aline. Ah oui, bien sûr. C'est comme ça que je la réveille le matin. Voilà, il faut te réveiller, mon amour. Chaque jour de bonne humeur. Évidemment. Allez, message suivant, écoute. Oui, bonjour, j'ai discuté avec toi sur Cocoland une fois, donc si tu peux me rappeler, merci. Sur Cocoland. Mais c'est quoi Cocoland ? Bah je sais pas, mais va voir hein, si tu veux. Alors Google. Tu vas voir sur Cocoland, voir si le truc est plutôt sympa. Mickaël à la radio. Le replay. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Puis on va faire la petite question existentielle de ce matin. On va appeler à Petit Rochin, mais pourquoi faire ? Bah en fait, voilà, mono, tout le monde sait que ça veut dire un. Ouais. Et poly, tout le monde sait que ça veut dire plusieurs. Ouais. Et en fait, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on avait fait monopoly. D'accord, ok, très bien. Oh là là. Bon, merci pour cette grande question. On va aller à Petit Rochin. Si je peux rendre service. On va aller à Petit Rochin pour poser la question directement là-bas. Seront-ils open ou pas ? À mon avis, comme tous les autres, ce sera non. Mais bon, on verra. Allez. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Oui ? Oui, je vous appelais parce que j'avais une petite question à vous poser. Ah. Oui. Ah. Allez-y. Alors voilà, en fait, je me demandais, comme mono ça veut dire un seul et poly ça veut dire plusieurs, en fait je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire monopoly. Ah, ben vous êtes brave, vous. C'est vrai, c'est gentil. Ah, c'est gentil, tu vas pas l'avoir sonné. Ça tombe bien parce que j'étais justement à bout. D'accord. Comprenez-vous ? Oui, oui, je comprends bien, mais ça ne me dit pas ce que veut dire monopoly. Non, ben, essayez de le savoir au dictionnaire. Ah oui, vous pensez que comprenez si... Comprenez le dictionnaire français. Non, qu'est-ce que c'est ? Connard, tu sais ce que ça veut dire ? Ah, pas du tout. Ah, ben, il faut apprendre. Ah. Bonne journée quand même, Echo. Il a dit con ou gros ? Non, con. Ah, con, d'accord, ok. On va le rappeler, il avait l'air tellement sympathique. Retour à Petit Rochin. Ils sont en pleine forme, Petit Rochin. Ouais, apparemment. Ah, ouais. Des gens sympas. Tu vois, lui, il était bien. Tu vois, il était un peu drôle, un peu. Hop là ! Mais il a pas répondu. Mais il a pas répondu. Mais c'est pas grave, on va le rappeler. On le rappelle. Oui ? Oui, excusez-moi, j'étais en communication avec votre mari. Ah, c'est madame. Et oui, il a raccroché, il n'a pas répondu à ma question. Oui. Oui. En fait, voilà, je me demandais ce que ça voulait dire, Monopoly. Monsieur, vous riez des gens. Ah, pas du tout, madame. Pourquoi vous dites ça? Et toi? Bah, moi, je vous appelle pour vous poser une question. Et vous trouvez ça normal, vous? Bah, oui. Oh, bah, alors là, vous n'êtes pas... Bah, alors, si vous trouvez ça normal, ben, vous n'êtes sûrement pas, hein. Ah, bon. Madame, vous pouvez pas dire ça. Si, hein, monsieur, allez, dites-vous qui la gueule des gens. Mais enfin, non, je n'oserais pas. Oui, mignonne. Un Monopoly, allez dans un magasin de jouets, n'est-ce pas, vous en trouverez des Monopoly. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est que mono, ça veut dire un seul, et poly, plusieurs. Et donc, du coup, je comprends pas pourquoi on dit Monopoly. Oh, c'est cool, c'est marrant, ça. Monopoly. Allez, au revoir, monsieur, bonne journée. Ah, je t'ai quand même souhaité bonne journée. Mmh, elle est mignonne. Ah ouais. Elle t'a souhaité bonne journée, donc c'est bien, c'est bien. Elle a pas compris la question, mais elle t'a souhaité bonne journée. Bah, c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà bien, effectivement. Elle a été cordiale. Mickaël à la radio, le replay. Jessie Manador et DJ Mam, c'était Zumba et Zumba A, 8h58 sur Fun Radio. Bonne matinée si vous nous rejoignez pour le best-of de Mickaël à la radio en ce jeudi 1er novembre. Lobo Mike pour vous accompagner encore pour une petite demi-heure, hein, et vers 9h30, je céderai ma place à Lucas pour le self, la seule émission dans laquelle c'est vous qui faites la prog. Alors d'ailleurs, si vous voulez déjà choisir vos titres, envoyez self suivi du titre de votre choix au 6322 et Lucas vous rappellera tout à l'heure pour passer votre titre à l'antenne. Mais tout de suite, il est 9h sur Fun Radio et on va se faire l'actu avec Julie. Salut Julie! Bonjour à tous, à Liège, deux jeunes sont entre la vie et la mort. Ils ont été fauchés par un chauffard ivre en plein centre-ville. L'accident a eu lieu vers 1h30 ce matin, à deux pas du carré. Alors qu'ils traversaient un passage pour piétons, trois jeunes ont été percutés par une voiture. Le conducteur âgé de 22 ans était visiblement sous l'emprise de l'alcool. Il a commis un délit de fuite. Il a été identifié grâce à sa plaque d'immatriculation et arrêté peu de temps après chez lui. Une des victimes a dû être placée en état de mort cérébrale. Une autre être toujours entre la vie et la mort. La troisième souffre d'une entorse. Rien n'indique à l'heure actuelle si le feu était vert ou rouge. L'enquête est en cours. Aujourd'hui, 1er novembre, jour de la Toussaint, mais pas seulement. C'est aussi le jour de l'entrée en vigueur de quelques nouvelles règles. Tout d'abord, les travailleurs dont un enfant est hospitalisé pourront dorénavant faire la demande d'un congé d'une semaine avec possibilité de prolongation d'une autre semaine via une forme d'interruption de carrière. L'employé sera également protégé contre le licenciement. Et puis, une loi pour mieux lutter contre la fraude fait son apparition aussi aujourd'hui, baptisée Unavia. Et cette loi doit empêcher que le fisc et la justice traitent en parallèle le même dossier de fraude. On déciderait dès le départ qui travaille sur le dossier. Et cette méthode devrait faire en sorte que le règlement des différentes affaires soit plus rapide. Et puis enfin, l'Union européenne imposera dès ce 1er novembre un label de qualité sur les pneus de voiture. Trois critères pour obtenir ce label: l'adhésion sur sol mouillé, la nuisance sonore et la résistance au roulement. 6 millions d'Américains sont encore dans le noir 48 heures après le passage de l'ouragan Sandy sur la ville de New York. Les aéroports reprennent doucement leur activité, même chose pour les transports en commun. Le bilan humain a grimpé à 63 morts pour les États-Unis, 135 au total en comptant les victimes dans les Caraïbes. En Haïti, le président a notamment déclaré l'état d'urgence national. Et puis enfin en sport, Mirka Rendic, le nouvel entraîneur du Standard, tient sa première victoire. Les Rouges ont en effet battu Genk hier soir 2-0. Pour le reste de la 13e journée de championnat, Anderlecht a infligé 1-5-0 à la Gantoise. Charleroi s'est incliné 4-1 face à Zulte Waregem. Le Cercle de Bruges a battu 3-1 le Berscott. Même score pour Louvain face à Malines. Lokeren a battu Westland Beveren 2-0. Mons s'est imposé 1-0 face à Courtrai. Et enfin le FC Bruges s'est incliné au Lyrs 3-2. Le lave-linge EcoBubble de Samsung donne à l'eau froide autant de puissance qu'à l'eau chaude. Maintenant, jusqu'à 200 euros de réduction sur une machine à laver EcoBubble. Conditions sur samsung.com. Dans moins d'une minute, Florida avec I Cry sur Fun Radio, Carly Rae Jepsen avec Call Me Maybe pour le son Dance Floor. Il y aura aussi le défi de top. Mais tout de suite, on se fait un point sur la météo. Eh bien aujourd'hui, place à un vrai temps de mois de novembre avec un ciel bien couvert et de la pluie qui va traverser le pays d'ouest en est. Cet après-midi, le temps sera plus dégagé, mais toujours avec un risque de pluie. Les maxima seront compris entre 6 et 10 degrés. Eh bien pour demain, pas mieux. Toujours des précipitations se renforçant à nouveau à partir de l'ouest en cours d'après-midi. Voilà pour les infos, je vous retrouve dans une heure pour le prochain flash. Dans 30 minutes, c'est vous qui ferez la prog avec Lucas dans le self sur Fun Radio. Fun, le son de Dance Floor. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Je vais passer une nuit magnifique. Ouais, ouais, mais maintenant tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Ce matin, comme je le disais, j'ai un bon plan pour les mecs qui cherchent un job étudiant bien payé. Oui, je suis désolé les filles, ça marche pas pour vous, je suis vraiment confus. Bah oui, je suis vraiment désolé. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même quelques contraintes. Mais il faut manger équilibré, pas d'alcool, pas de tabac. Allez, donc manger équilibré, pas d'alcool, pas de tabac. Bon, c'est compliqué déjà, mais enfin bon, ça devrait quand même aller. Alors au niveau du bain aussi, il faut respecter certaines choses. Hein. Pas de bain au-dessus de 37 degrés. Ah oui, bah pas de bain au-dessus de 37 degrés. Alors vous vous demandez évidemment combien on peut gagner avec ce travail et bah c'est plutôt bien payé. Hein. Et puis à chaque fois que vous empochez 40 euros, il y a pas mal d'étudiants qui font ça. C'est pas mal, mais à votre avis, quel est le travail justement? 40 euros, moi j'y vais direct. Hein, 40 euros pour un petit travail comme ça où il n'y a pas grand-chose à faire dans l'absolu. Hein. Vous avez une idée de ce que ça peut être? Non, pas. Non, et ben justement, voilà. Donneur de sperme au Danemark, c'est un job étudiant, ça rapporte. Eh oui, oui, donneur de sperme au Danemark, hein, 40 euros. Alors évidemment, c'est 40 euros. Oui, mais alors c'est au Danemark, évidemment, donc ça c'est un problème. Ouais, mais bon, faudrait voir combien de fois tu peux donner dans une journée, hein, parce que ça vaut peut-être le coup de faire le voyage. Hein. Ouais. Tu fais un petit city trip au Danemark et en même temps, c'est hop, il est chaud. Ah bah tiens, bah, quand j'aurai gagné mon pari, puisqu'on a fait un pari avec Audrey, le premier qui perd 8 kilos doit un city trip un week-end à l'autre, je vais peut-être aller au Danemark. À la place d'aller à Prague. Tu vas voir, tyrannique. Je vais aller au Danemark, c'est une bonne idée. T'imagines tout ce que t'auras gagné, voyage gratuit en plus là-bas. C'est ça. En plus, je suis rincé. C'est pas mal. C'est ça, t'as up les frais sur place. Exactement, exactement. Mickaël à la radio. Le replay. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Le défi TOF, le concept est très très simple. Il y a un défi, si c'est TOF qui le met en place, soit il le fait, soit il y participe, peu importe. Et donc là, c'est Aline. Aline et TOF qui sont au taquet. C'est comme les grands magiciens, j'avais besoin d'une assistante. Exactement. Et donc là, on a une grande barre en acier accrochée au plafond. Nous allons donc accrocher... Nous allons donc accrocher Aline par les pieds. Et nous allons tenter de l'accrocher au plafond et voir si elle peut tenir comme ça jusqu'à demain. On va voir comment ça va se passer. Ça devrait bien se passer normalement. Hein. Ça devrait craquer. Ça devrait. Non, mais on l'attache bien, attention, on l'attache oui, bien. Oui, on a bien fait les choses. Voilà, c'est bien filmé, rassurez-vous, il y a Audrey qui est derrière la caméra. C'est un petit peu Audrey Spielberg qui filme là. Alors attention, c'est parti, on y va. Décollage immédiat d'Aline vers le plafond de la radio. Ah, viens m'aider. Alors attention, décollage immédiat donc d'Aline, direction le plafond de la radio. Enfin, Toff a un peu du mal, il a levé les jambes, il a déjà du mal. Hein. Mais si vous leviez un petit peu les jambes, peut-être ça aiderait, non? Non, mais attends, regarde, j'ai une autre technique. Bah ouais, on va faire une autre technique. Allez, vas-y, attention, on enlève la chaise. Hop, la chaise est tombée. Voilà. Elle est tombée. Voilà. Malheureusement, c'est un échec, la corde a craqué. La corde Aline est trop lourde. La corde a craqué, c'est une catastrophe, c'est un drame, c'est... Voilà. Pas trop de mal. Bon, tu peux donner une claque à Toff puisqu'il a pas réussi à te lever. Voilà, mais d'abord il faudra qu'elle se lève. Oui, relève-toi Aline, relève-toi, tu vas pas rester par terre, voyons. Relève-toi. Allez, relève-toi. Et marche, cours. Oui, parce qu'elle a les pieds attachés, faut le savoir aussi. Hein. Bon, allez, vas-y, vas-y. Donne-lui une claque. Allez, viens. Allez, viens. Allez, revenez ici. Allez, Toff, viens ici. Allez, prends ta claque. Faut savoir qu'elle a les pieds attachés. Et donc, forcément, elle peut pas avancer. Elle rigole, elle est contente. Elle retombe par terre. Donc, on est bien là. Bon, allez, tu prends ta claque, Toff. On va pas y passer la journée. C'est vrai bien, c'est elle qui vient pas. Allez, Aline. Allez, Aline. Allez, laisse-toi faire. Oui, laisse-toi faire, Toff. Des micros. Oui, mais doucement. Oui. Oh, voilà. Oh, ça va, c'était donné comme claque. Oh mon dieu. C'était donné. Allez, bon courage. Hein. C'était donné, oui, il va falloir te sortir de là maintenant. Le son de Shaggy sur Fun Radio, c'était Girls Just Wanna Have Fun. 9h23, c'est le best-of de Mickaël à la radio pour quelques minutes encore. Le temps de vous dire que Mickaël et toute son équipe seront demain en direct du parc Astérix entre 6h et 9h30 pour une émission pleine de rebondissements. Bon, voilà. Il est l'heure pour moi de rendre l'antenne et de céder ma place à Lucas qui vous accompagnera jusqu'à 13h pour le self. De 13h à 17h, ce sera Pure Dance Floor avec Mademoiselle Luna. 17h-20h, le best-of d'Evan et la tribu. Et de 20h à minuit, ce sera la libre antenne avec Vince et toute son équipe. Voilà, donc je vous laisse avec le son d'Alex Godino en featuring avec Tabou. Ce sera I Don't Wanna Dance. Bonne journée et à demain sur Fun Radio. Ciao, ciao. Mickaël à la radio revient demain dès 6h sur Fun Radio. Fun. Thank you.